إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous allons voir inshallah dans ce cours la biographie, un aperçu de la vie d'un imam, d'un grand savant de l'islam contemporain. C'est le grand savant, le cheikh, le grand mufti Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1999. Prix de l'ouvrage de Cheikh Dr. Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidhahullah Ta'ala, dans lequel il a compilé certaines biographies de savants anciens et contemporains, et parmi lesquels il a fait la biographie du Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, Rahimahullah Ta'ala. قال رحمه الله مترجما لنفسه. Donc là, Cheikh Rabi' il commence directement par la biographie faite par la personne elle-même. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on lui a demandé de son vivant de se présenter. Et donc là, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il reprend directement les paroles de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Ibn Baz, en parlant de sa personne, il dit qu'Allah lui fasse clémence. Ana Abdelaziz, donc il se présente, il dit je suis Abdelaziz ibn Abdelrahman ibn Muhammad ibn Abdillah al-Baz. Wulidtu bi madinati Riyad. Donc il est né dans la ville de Riyad, qui est connue, c'est la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Fi Dhul Hijjah, donc pendant le mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier musulman, le dernier mois de l'année musulmane, dans lequel on y accomplit les rites du pèlerinage. Fi Dhul Hijjah sanata 1330 Hijriyah, en l'an 1330 de l'Égypte, donc à la fin de l'année 1330 de l'Égypte, à peu près 1910. Donc hein, c'est 1910 dans le calendrier grégorien. وَكُنْتُ بَصِيرًا فِي أَوَّلِ الدِّرَاسَةِ. Donc, dans son enfance, au début de ses études, il voyait, parce que comme Cheikh Ibn Baz, il est connu de tous comme étant un homme aveugle. Mais il n'est pas né aveugle. Il voyait normalement. Donc, quand il était petit, il voyait. ثُمَّ أَصَابَنِ الْمَرَضْ فِي عَيْنِي عَامْ 1346 هِجْرِيَةِ. Puis, en l'an 1346 de l'Égypte, à peu près 1926, il a subi une maladie des yeux. Donc, il a affaibli sa vision. Donc, là, il avait 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a commencé à avoir la vue qui baisse. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350 هجرية. Puis, dans le mois de Muharram, le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier musulman. C'est le début de l'année musulmane. De l'année 1350 de l'Hégire, aux environs de 1930. D'accord, 1929-1930. À ce moment-là, il a perdu la vue complètement. Donc pendant 3 ans à peu près, il a subi cette maladie des yeux. Et à la fin, ça s'est terminé par la perte de la vue. Donc il ne voyait plus. Depuis l'âge de 19 ans jusqu'à sa mort, rahimahullah ta'ala, il ne voyait plus. Walhamdulillahi ala dhalik. Et il remercie Allah. Il fait les louanges, car le musulman, un bon musulman, il accepte les décrets d'Allah. Il accepte ce qu'Allah a décidé sur ses créatures. Allah lui fait subir cette épreuve, il apprend en bien. Et lorsque le musulman se comporte ainsi face aux épreuves, Allah tabaraka wa ta'ala lui donne en échange d'énormes récompenses. وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا. Et j'invoque Allah, j'implore Allah, جل وعلا, exalté soit-il, élevé soit-il, qu'il me donne en échange la clairvoyance dans ce bas monde. C'est la véritable vision. C'est de comprendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il a demandé. Et il fut de son époque l'un des plus grands imams et des plus grands savants de l'islam, parmi ceux qui ont fait revivifier les sciences religieuses. Donc, le véritable aveugle n'est pas celui qui ne voit pas avec ses yeux, c'est celui qui ne voit pas avec son cœur. C'est celui dont le cœur est voilé, il ne voit plus la vérité. Il ne voit plus la guider, il ne voit plus le bien. C'est celui-là le véritable aveugle. Amma, la vision des yeux, ça c'est un plus, celui qui l'a. Mais combien sont aveugles et voient mieux que celui qui a des yeux pour voir. Wal-jaza. Et il attend d'Allah tabaraka wa ta'ala la grande rétribution, la bonne rétribution dans l'au-delà. Kama wa'ada bithalika subhanahu ala lisani nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a promis sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: celui à qui je lui ai enlevé ses deux bien-aimés, c'est-à-dire ses deux yeux, il ne voit plus avec, et qui fait preuve de patience, je lui donne en échange le paradis. Donc en échange, il aura comme récompense l'entrée au paradis. Kama as'aluhu subhanahu an yaj'al al-'aqibata hamidatan fi ad-dunya wal-akhirah. Comme je lui demande à Allah, glorifié soit-il, de nous donner une bonne fin dans ce bas monde et l'au-delà. Wa qad bada'tu ad-dirasa minhu sigha. J'ai commencé à étudier très petit. Depuis tout petit, j'ai commencé à étudier. وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. Et j'ai mémorisé complètement le Coran avant d'atteindre l'âge de la puberté. ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض. Puis après avoir terminé le Coran, ça c'est une des méthodes pédagogiques depuis les plus prédécesseurs, depuis les premiers musulmans, c'est que les enfants, ils commencent par la mémorisation du Coran. Ils sont dans un âge propice, ils sont prédisposés à pouvoir mémoriser avec une très grande facilité, Donc, ils commencent par le Coran. Une fois qu'ils ont terminé le Coran, ils vont s'adonner à d'autres études. Donc, après avoir terminé le Coran, il s'est adonné à l'étude des sciences religieuses et de la langue arabe auprès de beaucoup de savants, parmi les savants de la ville de Riyad. Min a'lamihim, parmi les plus grands, c'est-à-dire qu'il ne va pas les citer tous, mais il va citer les plus importants. الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. Ça c'est le premier. Deuxième, الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمهم الله. Celui-là, il était le juge de Riyad. Troisième, al-Shaykh Sa'd ibn Hamad ibn Atiq, Qadir Riyad, aussi un autre juge de Riyad. Quatrième, al-Shaykh Hamad ibn Faris, Wakil Bayt al-Mal bin Riyad. C'était comme le responsable de la trésorerie de Riyad. Le cinquième, al-Shaykh Sa'd Waqqas al-Bukhari, min ulama'i Makkah al-Mukarrama. Et celui-là faisait partie des savants de la ville de la Mecque. Akhadhtu anhu 'ilm at-tajwid fi 'am 1355 Hijriya. Donc il a étudié chez ce savant à la Mecque les sciences du tajwid, c'est-à-dire les techniques ou les règles de la récitation du Coran vers les années 1934-35. Sixième, سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. Ça c'est l'ancien grand mufti d'Arabie Saoudite décédé en 1969 رحمه وقد لازمت حلقاته نحو من عشر سنوات. Donc il est resté auprès de ce cheikh, ce grand savant, pendant 10 ans. Donc avec lui il est resté 10 ans d'affilée sans le quitter. وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية. Et j'ai pris de lui, j'ai étudié auprès de lui toutes les sciences religieuses. ابتداء من سنة 1347 هجرية إلى سنة 1357 هجرية. Depuis l'année 1347 de l'Hégire, environ 1927, jusqu'à l'année 1357 de l'Hégire, à peu près 1937. Car après ces 10 années, le grand mufti, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, a demandé au Cheikh ibn Baz, rahimahullah, d'aller prendre comme poste de juge dans une ville. Jazallahu al-jami' afdal al-jaza wa ahsana. Donc il invoque Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur, qu'Allah leur donne la meilleure des récompenses et qu'Allah les prenne tous dans sa miséricorde et son agrément. Et voilà les bons élèves comment se doivent de se comporter avec leurs professeurs même après leur mort. Au minimum, ils implorent Allah tabaraka wa ta'ala de leur pardonner, de les prendre dans sa clémence et sa miséricorde. Quand il les cite, il dit rahimahullah. Ça, c'est un minimum demandé, un minimum de reconnaissance envers celui qui t'a enseigné, qui t'a appris, qui t'a montré la voie, le chemin, qui t'a aidé à parcourir le chemin. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est connu pour cette reconnaissance, rahimahullah ta'ala. Même dans une audio, on l'entend, on lui demande de parler de l'époque où il étudiait, et lorsqu'il en arrive à parler de ses années passées avec Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, alors qu'il est déjà âgé, Cheikh Ibn Baz, quand il raconte ça, il se met à pleurer. Il n'arrive même pas à terminer ses phrases. Il se rappelle de la patience qu'avaient ces professeurs envers les élèves. Comment ils donnaient de leur temps. Comment ils mettaient tous ces efforts pour que ces élèves comprennent et apprennent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَقَدْ تَوَلَّيْتُ عِدَّةَ أَعْمَالٍ. Puis là, Cheikh va parler des fonctions qu'il a et qu'il a eu. القضاء في منطقة الخرج. Donc dans la région de الخرج, une région d'Arabie Saoudite, il a été juge. مُدَّةً طَوِيلًا, pendant longtemps. استمرت 14 عاماً, qui a duré pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il était juge dans la région de الخرج. وَأَشْهُرًا, avec 14 ans et quelques mois. وَمْتَدَّتْ بَيْنَ سَنَتَيْنِ. Cheikh Ibn Baz, rahmallah, ceux qui le connaissent très bien, qui l'ont approché, disaient de lui qu'il notait les dates, même les dates de les grandes dates des savants contemporains, même les dates de leur mort exactes. Il avait comme un registre dans lequel il notait tout cela. Et c'est pour ça qu'il est très précis lorsqu'il parle, il donne des dates. وَمْتَدَّتْ بَيْنَ سَنَتَيْنِ 1357 إلى عام 1371 هجرية. Donc c'était de l'année 1357 de l'Égypte, à peu près 1937, jusqu'à l'année 1371 de l'Égypte, environ 1951 de l'ère grégorienne. وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام 1357. Il dit, et j'ai été nommé en tant que juge dans le mois de Jumada al-Akhira, c'est-à-dire Jumada al-Thaniya, on l'appelle aussi Jumada al-Akhira, de l'année 1357 de l'Hijra. Wa baqitu ila nihayati 'am 1371 Hijriya. Et je suis resté jusqu'à la fin de l'année 1371. At-tadris fi al-Ma'had al-'Ilmi bir-Riyad. Puis il est retourné à Riyad pour enseigner dans l'Institut des sciences. L'Institut des sciences, à ce moment-là, en Arabie, ils n'ont pas d'université. C'est les premières écoles. D'accord ? Et donc, les écoles religieuses, ce sont des instituts qui, après, vont devenir des facultés. Puis, en réunissant les facultés, ça devient des universités. Donc là, il est professeur à l'Institut des sciences. Sanata Bir-Riyad, Sanata 1372 Hijriya. On est en l'an 1372 de l'Hijriya, 1951-1952. Au Kulliyat al-Sharia Bir-Riyad, ba'da insha'iha, Sanata 1373 Hijriya. Puis, j'ai été professeur à la faculté de la jurisprudence des études religieuses de Riyad lorsqu'elle a été fondée en 1373 de l'Égypte. Donc, hein, il est resté un ou deux ans dans l'institut. La faculté, elle a ouvert. Il en était professeur. Fi ulumi al-fiqhi wa al-tawhid wa al-hadith. Donc, il enseignait les sciences du fiqh, de la jurisprudence, le droit, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la croyance, et les sciences du hadith. واستمر عملي على ذلك 9 سنوات. Et je suis resté enseignant pendant 9 ans. Donc pendant 9 ans à Médine, à Riyad, il était professeur. انتهت في عام 1380 من الهجرة. Ça s'est terminé en l'an 1380 de l'Hijra, c'est-à-dire à peu près 1959-1960. عينت في عام 1381 نائب هجرية نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبقيت في هذا المنصب إلى عام 1390 هجرية. En l'an 1381 de l'Égypte, on est en 1960-1961, l'université islamique de Médine ouvre. Cette université, à la base, l'idée de base, c'était de l'ouvrir pour les musulmans du monde. Elle est plus axée sur les étrangers, les musulmans dans le monde. C'est pour cela que beaucoup de ces élèves sont étrangers, bien que des Saoudiens, des locaux, nationaux, peuvent étudier dedans. Mais une grande partie des acceptations sont pour les étrangers. Et donc à son ouverture, la direction, la présidence de l'université va être donnée au grand mufti, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Et le vice-président sera le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, à l'ouverture de l'université islamique de Médine. Donc il a été nommé vice-président de l'université islamique de Médine en 1381 de l'Égypte, et il est resté à ce poste jusqu'à l'an 1390 de l'Égypte, à peu près 1969-70. C'est la période où est décédé le grand mufti, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 1390 هجرية بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1389 هجرية، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1395 هجرية. Donc pendant le mois de Ramadan de l'année 1389 de l'Égypte, est décédé le grand cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah ta'ala. Puis après, le cheikh ibn Baz, il a été nommé président de l'université islamique de Médine. Et il est resté à ce poste jusqu'à l'an 1395 de l'Égypte, c'est-à-dire à peu près 1975. Donc pendant près de 5 ans, il était le président de l'université islamique de Médine. وفي الرابع عشر من الشهر العاشر يعني شهر شوال 1395 هجرية صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل. Puis à la date du 14-10, c'est-à-dire 14 Shawwal, le mois 10, c'est le mois de Shawwal, 1395 de l'Hijr, il y a eu l'ordre royal de me nommer comme président général des directions des recherches scientifiques de l'IFTA, du prêche et de l'orientation. Et jusqu'à ce jour, j'en suis le président. Donc là, c'est Cheikh Ibn Baz qui parle, rahimahullah ta'ala. Parce que après la mort du grand mufti, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah, ce poste de mufti am, ce titre de mufti am, n'a pas été donné. Puis, on a ouvert ce bureau des recherches scientifiques de la fatwa, du prêche et de l'orientation, et on a mis à la tête de ces bureaux Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et ce bureau existe jusqu'à aujourd'hui. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ne sera nommé grand mufti du royaume, il prendra le même titre que son cheikh, que vers l'année 1994, qu'ils ont remis ce titre-là. Sinon pendant près de 23 ans, 24 ans, ce titre, personne ne l'avait, de mufti du pays. De 1969-70 jusqu'à 1994, personne n'avait ce titre-là. Bien que, en réalité, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, faisait office de mufti du pays. Et quand il a été nommé donc président des directions des recherches scientifiques, il est retourné à Riyad. Donc après avoir passé près de 15 ans à Médine. Et pendant les années où il était à Médine, alayhi rahmatullah, il était professeur à l'université. Il enseignait, il était vice-président pendant les 10 premières années et il enseignait. Il enseignait dans l'université. Et aussi, il avait sa chaise dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il enseignait dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Quand il va quitter Médine, c'est Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad qui prendra sa place. C'est lui qui deviendra, pendant, je crois, 2 ans, de 75 à 77, il sera le président de l'université islamique de Médine. Hafidhahullah. As-salullah al-aoun wa al-tawfiq wa sadabi. Il implore Allah de lui venir en aide et de lui octroyer la réussite. ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية. Il dit, et avec cela, avec ces fonctions qu'il a, il est aussi membre d'autres organismes islamiques, scientifiques. عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. Il est membre, il en était même le président, du comité des grands savants d'Arabie. Le comité des grands savants, c'est un comité officiel. Il y a beaucoup de savants en Arabie, alhamdoulilah. Seulement, auprès des autorités, il y a un groupe de savants choisis par les autorités et donc qui ont à amener des réponses à des questions que des ministres, les autorités, le roi se posent, qui touchent la communauté, d'accord ? Et ce comité se réunit pour discuter et donner un décret, une fatwa à ces questions. Donc, ils l'ont appelé Hayatu Kibar al-Ulama, le comité des grands savants. Ce n'est pas les seuls savants qu'il y a, mais c'est parmi les meilleurs et les plus grands qu'on met dedans. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en était même le président, membre et président. رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. À l'intérieur du comité des grands savants, il y a un comité de recherche scientifique et de la fatwa. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il en était le président et il en était membre. عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. Membre et président du comité fondateur de la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale est un organisme qui comprend des responsables religieux, des mashayikhs, des savants de tous les pays musulmans. De tous les pays musulmans, chaque pays, il a un ou plusieurs représentants. Et ils ont d'un moment à un autre dans l'année à se réunir et à discuter sur des questions de fiqh, sur des problèmes contemporains et essayer de trouver une réponse unanime là-dessus, si possible. Et le président de ce comité, c'était Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Il en était membre depuis sa fondation au début des années 60. رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. Il était président du Conseil supérieur international des mosquées. Donc un autre organisme qui concerne les mosquées internationales, il en était le président. C'est étonnant quand on voit toutes ces fonctions qu'avait Cheikh Ibn Baz. C'est à sa mort que beaucoup de chiouks et de personnalités disaient comment il faisait pour tenir tout ça. Il a fallu partager toutes ses fonctions à plusieurs personnes. Et lui, il ne s'est jamais plaint. Alayhi rahmatullah. Ri'asatu al-majma' al-fiqhi al-islami bi Makkah al-mukarramah. La Ligue islamique mondiale, elle avait en son sein, elle a toujours en son sein, un comité de savants pour discuter du fiqh. Donc, lorsqu'il y avait des questions, ils se réunissaient et ce comité donnait les résultats de leurs recherches et de leurs discussions. Il en était le président. عضويه المجلس الاعلى للجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. Il était membre du conseil supérieur de l'université islamique de Médine. C'est le conseil qui supervise hein, les programmes et les aménagements de l'université. عضويه الهيئه العليا للدعوه الاسلاميه في المملكه. Membre de l'organisme du supérieur du prêche islamique en Arabie, un autre organisme, donc il en était membre. Amma mu'allafati fa minha. Donc là le shir va présenter certains de va citer certains de ses ouvrages. Alayhi rahmatullah. Al-fawaid al-jaliya fi al-mabahith al-faradiyya. Donc un ouvrage pas très volumineux, c'est un condensé concernant les règles de l'héritage, d'accord, selon les qui concernent les règles de l'héritage. Et là, il fait un livre qui essaie d'exposer d'une manière simple les règles de l'héritage. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. Donc ça c'est le livre qu'il a écrit. C'est un de ses premiers livres, je crois, il l'a écrit dans les années 40, sur les rites du pèlerinage. Le livre de Cheikh Ibn Baz sur les rites du pèlerinage et de la visite de Médine. At-tahdhir min al-bid'ah. La mise en garde contre les innovations. Wa yashtamil ala arba' maqalat mufida. Et ce livre, il comporte quatre sujets. Donc quatre sujets qui sont les innovations que Cheikh Rahimahullah met en garde. حكم الاحتفال بالمولد النبوي. Le jugement sur le fait de célébrer la naissance, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وليلة الإسراء والمعراج. La nuit de l'Isra والمعراج, du voyage nocturne et de l'ascension. وليلة النصف من شعبان. Et de la mi-Sha'ban. Bon, il y a des choses ici, peut-être que les gens disent non, on n'a jamais vu personne, mais dans les pays musulmans, les gens fêtent ces périodes-là. Laylat al-Isra wal-Mi'raj, Laylat al-Nisf min-Sha'ban, ça, ce sont des choses qui existent chez beaucoup de personnes de la masse et qui sont encouragées par les chiyoukhs de l'égarement et de la déviation, surtout parmi les soufis. Et donc, le shir met en garde contre ces innovations. وتكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد. Et un démenti d'un message écrit par un certain Cheikh Ahmed qui se dit le serviteur de la pièce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la loge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça date de presque 100 ans, un peu plus de 100 ans. Un homme a dit qu'il était là devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dormi, il a reçu un message, il fallait qu'il propage ce message et qu'il le donne à la communauté et qu'il faut le propager. Quand c'était avec des feuilles, il fallait faire un certain nombre de photocopies. Comme ça, tu n'auras que du bonheur. Si tu ne le fais pas, tu auras du malheur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Maintenant, c'est avec les portables, avec les messages. Envoie ça à 10 personnes, à 100 personnes. Hein, tout ça, ce n'est qu'un mensonge. Avant, c'était des photocopies. On demandait aux gens de faire des photocopies. Hein, et beaucoup y croyaient. Ils avaient le message, ils allaient à la photocopieuse. Ils dépensaient de leur argent en pensant qu'ils faisaient du bien. Ils mettaient ça dans les boîtes aux lettres. Ça, en France, hein, personnellement, j'en ai un souvenir de ces périodes-là. Donc, ça, c'est un mensonge. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Et en plus, là-dedans, il y a plein de contradictions avec la religion. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il réfute et il répond à ce message. Et là, c'est un exemple. Hein. Depuis, il y en a d'autres qui ont pris la relève et qui envoient des messages. Je l'ai fait. Le pire, c'est. Ils disent quoi ? Ils disent, je l'ai fait, j'ai gagné au loto. Mais l'auto, c'est haram. T'as pas le droit de jouer au loto. Subhanallah. Il croit que lui, c'est une bénédiction. Subhanallah. Et il dit, un tel, il a jeté la feuille, il lui est arrivé un malheur, sa maison l'a brûlé, au jour, tu sais, qu'est-ce qui lui est arrivé, et ainsi de suite. Et ça, ça marche avec les gens de la masse, ils y croient, ces genres de choses. Risalatan ou Jizatan, fils Zakat et Wassiyam. Deux petits livrets, deux épîtres, on va dire, simplifiés sur Zakat. L'aumône légal, l'aumône obligatoire et le jeûne. Al-aqida as-sahiha wa ma yudadduha. La croyance, le dogme authentique et ce qui le contredit. Il y en a un parmi lesquels ils sont en français, ils disent en français. Hein, le dogme authentique, ce qui le contredit, n'est-ce pas, hein? Il est en français. Ou vous lisez plus de livres en français? Hein? Masha'Allah. Wujub al-amal bi sunnati al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-tahqiq wa al-idah. Sur le hajj, il y a en français. D'accord? Il y a en français. Al-aqidah al-sahiha, il y a en français. Wujub al-amal bi sunnati al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kufru man ankaraha. L'obligation de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la mécréance de celui qui l'a renié. Et la mécréance de celui qui l'a renié. Ce livre existe aussi en français. C'est souvent, on les retrouve dans les livres donnés gratuitement par l'Arabie Saoudite. C'est, les livres sont beaucoup traduits en français. Dans les donations, on les retrouve ces livres-là. Wujubu tahkim shar'illah. L'obligation d'appliquer la loi d'Allah et de rejeter tout ce qu'il a contredit. Le jugement sur le voile islamique, le fait de ne pas se voiler et certaines manières de se marier. Naqdu al-qawmiyyati al-arabiyya. Rejet du nationalisme arabe. Ça, c'est un livre qu'il a écrit en 1960. C'était l'époque où le nationalisme arabe était fort dans certains pays. Donc, il a écrit ce livre-là qui s'appelle Naqdu al-Qawmiyya al-Arabiyya. Le nationalisme est un problème chez tout le monde. Hein. Ça touche tous les peuples. Hein. C'est pas un peuple par rapport à un autre peuple. Il se peut que parfois ça apparaisse plus chez les uns que chez les autres. D'accord ? C'est peut-être pour beaucoup de gens, c'est plus mal vu chez les uns que chez les autres. Mais c'est un problème qui existe chez tout le monde. Ne croyez surtout pas qu'il y en a qui sont à l'abri de ça. Je parle des gens. Sinon, alhamdoulilah, les gens qui sont faits de dîn dans la religion, qui comprennent l'islam, qui comprennent les bases de la religion, les objectifs de la religion, ils savent très bien que ce sont des choses qui concernent l'époque pré-islamique de la jahiliya. Que l'islam combat. Pourquoi un tel serait meilleur qu'un tel? Qu'est-ce qu'il a fait pour? Ta couleur de peau, en quoi telle couleur elle est meilleure que telle couleur? En quoi telle nationalité est meilleure que telle nationalité? En quoi? Tu as fait quoi? C'est pas toi qui as choisi de naître dans telle famille ou telle famille, de mesurer telle taille, de peser tel poids, et ainsi de suite. Non. Que tu aies des enfants, tu n'es pas d'enfant. Que tu sois riche ou pas. Tu fais les causes, mais la finalité entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Là où tu es jugé, c'est sur tes œuvres. C'est sur ce que tu deviens. C'est sur ça que tu es jugé. Et non pas du fait que tu es de telle couleur, de telle origine ou telle nationalité. Donc ça n'a pas lieu d'être. Et c'est chez tout le monde. Les Africains, quand ils sont entre eux, ils se permettent de parler sur l'homme blanc, de parler sur les Arabes. Les Arabes, quand ils sont entre eux, ils peuvent parler ouais les Noirs ou ouais les Blancs. Et les Blancs, quand ils sont entre eux, c'est la même chose. C'est tout le monde a ce problème-là. Faut pas croire. Hein. C'est moi, comme j'ai dit, ça apparaît plus chez les uns que chez les autres, c'est tout. Sinon, c'est chez tout le monde. Mais ce n'est pas des bonnes choses. C'est des mauvais comportements qui font partie de la jahiliya et qu'il faut faire des efforts hein, de s'en débarrasser. الجواب المفيد في حكم التصوير. La réponse bénéfique sur le jugement des photos, de la photographie. Et ça, sachez qu'il en parle à son époque. Mais aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est une maladie, c'est une grande maladie. Jusqu'à maintenant, c'est devenu quelque chose de banal. Les photos, c'est banal. Les vidéos, c'est banal. Il n'y a plus rien. C'est rien d'étonnant là-dedans. Subhanallah. À tout va. Enfin, attention. Il n'y a pas de nécessité. On s'en éloigne complètement. On n'en a pas besoin. Il y a dit pour écouter un cours. Écouter un cours, c'est ton oreille qui écoute. Tu n'as pas besoin de voir. Ce n'est pas une nécessité. Les gens maintenant ne peuvent plus se passer de la vidéo ni des photos. Il faut s'en éloigner complètement, il n'y en a pas besoin. On se sert de ce qu'on nous oblige à avoir, le reste on s'en éloigne complètement. Et ça ne sert à rien de rentrer dans des polémiques, des discussions, un tel a permis, un tel n'a pas permis, un tel il a mis des conditions, il n'a pas mis des conditions. La finalité c'est quoi? Il n'y en a aucun qui te dira que la photo elle est bien. Il n'y en a aucun qui te dira que la vidéo elle est bien. Subhanallah. Il n'y en a aucun, je parle quand je dis aucun, c'est les savants de l'islam, qui t'encouragera à faire des photos ou des vidéos. Al-Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, da'watuhu wa siratuhu. Le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, son prêche et sa biographie. Et celui-là, il est traduit en français. Ou non, peut-être pas. C'est d'un autre avec une Muqaddima de Cheikh Ibn Baz, qui est traduit en français. Cela, je ne sais pas. Thalathu rasail fi salat. Trois épîtres concernant la prière. Kayfiyatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wujub adani salat fi jama'a, l'obligation d'accomplir la salat en groupe. Aina yada'u al-musalli yadayhi hina arfa' min ar-ruku'. Où est-ce que le prieur met ses mains après s'être relevé de l'inclinaison? Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il défend la vie comme quoi après le ruku', lorsqu'on s'est relevé après l'inclinaison, qu'on met les mains sur la poitrine comme lors de la récitation. Et dans cet épître-là, il explique cela. حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le jugement de l'islam sur celui qui viendrait à critiquer, insulter, dénigrer le Coran ou le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. حاشية مفيدة على فتح الباري. Des annotations bénéfiques, importantes, sur Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est le commentaire de Sahih al-Bukhari, de l'Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Et le Cheikh ibn Baz, rahimahullah, en a fait des annotations, surtout dans les questions dogmatiques, où il y avait quelques soucis, il a corrigé, mais il s'est arrêté au chapitre du Hajj, du pèlerinage. Le livre maintenant il est complété, un, deux, et puis il a demandé à un de ses élèves de compléter les annotations. Et maintenant on a le Fath al-Bari avec les annotations complètes jusqu'à la fin, terminé par un de ses élèves. Risala al-Adilla al-Naqliya wal-Hissiya ala jarayan al-Shams wa sukun al-Ard. Donc un épître sur les preuves dans les textes et de par la raison, comme quoi c'est le soleil qui bouge, qui avance, et que la terre elle est stable, et la possibilité d'aller vers sur la lune ou d'autres planètes. Qu'il y a cette possibilité. Donc le Cheikh rahimahullah, il défend cet avis comme quoi que c'est le soleil qui bouge et la terre elle est stable. Mais ça c'est un point. Jamais le Cheikh n'a dit que la terre elle était carrée. Ça c'est un mensonge sur Cheikh Ibn Baz, que les frères musulmans, qu'Allah leur donne la punition qu'ils méritent, ont été mentir sur Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ont été faire courir ce bruit partout où ils allaient, Ibn Baz, il dit que la terre, elle est carrée. Il n'a jamais dit cela, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Puis eux, ils ont fait tout un cinéma. Eux qui se permettent d'accepter les divergences dans l'aqida et de dire que même les chiites, les soufis, on a quelques différences, c'est pas tellement grave. Et ils ont fait tout un cinéma en disant, Ibn Baz, il dit que la terre, elle est carrée. Lorsqu'on parle d'Allah sur ses noms et attributs, ils acceptent ceux qui disent n'importe quoi là-dessus. Ceux qui ont dévié dans la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, ils viennent se mettre en colère et dire « Oui, mais Ibn Baz, il dit que la terre, elle est carrée. » Et ça, en plus, le pire, c'est que c'est un mensonge. Jamais, Cheikh Ibn Baz n'a dit qu'elle était carrée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Mais il fut une époque où on entendait ce genre de phrase. « Wal'iyadu billah. » Seulement lui, il défend la vie comme quoi la terre, elle est stable. Elle ne bouge pas. Et ce qui bouge, c'est le soleil. Puis, ils disent, ouais, mais aujourd'hui, on est en tel siècle, telle année, et il y en a qui ne veulent pas comprendre que l'homme est monté sur la lune. Même chez les mécréants, il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Il y a des magazines scientifiques qui disent que l'homme n'est jamais parti sur la lune. Même entre eux, les scientifiques ne sont pas d'accord. Et il y en a qui remettent en cause cela. Que l'homme, il est parti ou il n'est pas parti, ce n'est pas une question de paradis ou d'enfer, subhanallah. Mais tellement qu'ils veulent plaire aux mécréants et leur faire comprendre. Vous avez vu, notre religion, elle est compatible avec vos idées. Ils sont prêts à tout. Et dans son livre, Cheikh, il dit, il n'y a rien qui l'interdit. C'est possible que l'homme, il a... Maintenant, est-ce qu'en telle année, ces gens-là, ils sont montés ou ils ne sont pas montés? J'en sais rien. En 1969, est-ce que Neil Armstrong et les deux hommes avec lui sont partis sur la Lune ou pas? Est-ce que c'était vraiment la Lune où ils étaient ou c'était une petite terre du Texas qu'on a fait passer pour la Lune? On n'en sait rien. Non, allez. Et voilà, disons que c'est vrai, c'est pas grave. Ils ont été. Ils n'ont pas été, c'est pas un problème. Et les Hizbi viennent attaquer les savants sur ça. Vous avez un qui est Cheikh, il l'appelle Cheikh Abdurrahman Abdul Khalik, un Égyptien du Koweït, qui étudie à Médine chez les grands savants et qui a corrompu la da'wah salafia. Et il est la cause de beaucoup de divisions dans les années 80-90 chez les salafis dans le monde. Il écrit, j'en avais un professeur dans le tafsir et dans le usul, il parle de Cheikh Mohamed al-Amin al-Shirqiti, rahimahullah. C'était un signe d'Allah dans la connaissance religieuse et dans le tafsir du Coran. Mais concernant les sciences contemporaines, rien. Il ne voulait pas comprendre que l'homme il est monté sur la lune. Regardez le degré où on en arrive. Et Cheikh Rabi' hafidhahullah a répondu aux accusations et aux attaques de Abdurrahman Abdul Khalid dans un ouvrage qui s'appelle Jama'atun wahid la jama'at wa siratun wahid la asharat hiwarun ma Abdurrahman Abdul Khalid. Un seul groupe, pas plusieurs, une seule voix, pas des dizaines, discussion avec Abdurrahman Abdul Khalid. Et dedans, Cheikh, il ramène ce point-là et il dit, il y a des magazines scientifiques chez les mécréants eux-mêmes, chez les occidentaux eux-mêmes, qui ne reconnaissent pas que l'homme est monté sur la lune. Les gens entre eux, ils ne sont pas d'accord sur cette question-là. Et nous, le problème que le Shir, rahimahullah, Mohamed Al-Amin al-Shirqiti, n'a pas voulu reconnaître cela. Il n'y a aucun problème là-dessus. Taïb. Iqamatul Warahin ala hukmi man istaghatha bi ghayrillah aw saddaqa al-kahana wal-arrafin. Donc un livre sur le jugement sur ceux qui cherchent secours auprès d'autres que Allah, demandent secours autre que Allah, ou qui croient aux devins, aux sorciers, aux astrologues, ceux qui disent qu'ils connaissent l'invisible, l'inconnu, le futur. Al-jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, le véritable, comme l'islam le demande et l'enseigne, non pas comme le font comprendre ceux qui ont sali son nom. الدروس المهمة لعامة الأمة. Donc, les leçons importantes pour la masse de la communauté. فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. Un recueil de fatawa concernant les règles du Hajj, de la Umra et de la visite de Médine. وجوب لزوم السنة والحذر من البدع. L'obligation de s'attacher à la sunna est mise en garde, avertissement contre les innovations. Akoul, là c'est Cheikh Rabi' qui... Donc là on a terminé avec cette présentation de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Akoul, Cheikh Rabi' dit, je dis, « وَلَهُ مَجْمُوعْ فَتَاوَ وَمَقَالَاتْ فِي ثَلَاثِينَ مُجَلَّدًا إِلَى الْآنِ » Et, après sa mort, on avait commencé déjà à la fin de sa vie à compiler les fatawa et les épîtres de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On en est arrivé à plus de 30 volumes. Bi'amali wa ishraf al-Sheikh Mohammed ibn Sa'd al-Shuwayr. Donc c'est ce Sheikh qui s'occupe de réunir et de publier ce recueil de plus de 30 volumes. Hafidhahullah, je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Alayhi rahmatullah. Wa tafsiluha kal-ati. Et ce recueil de plus de 30 volumes a été rangé par ces thèmes. Al-Tawhid wa ma yulhaqu bihi fi 10 mujalladat. Le Tawhid est ce qui va autour en 10 volumes. As-salatu wa ma yata'allaqu biha fi 6 ajza'. La prière et tout ce qui concerne la prière en 6 volumes. Al-zakatu fi mujallad. Donc la zakat en 1 volume. Al-hajju fi mujalladayn. Le pèlerinage en 2 volumes. Al-hajju al-qismu al-akhir wal-jihad fi mujallad. La fin du thème de l'hajj et le thème de al-jihad dans 1 volume. Al-ilmu wal-tafsir fi mujalladayn. La science et le tafsir en 2 volumes. Al-hadith fi mujalladayn. Le hadith en 2 volumes. Al-da'watu ila Allah fi mujallad. Le prêche, l'appel à Allah en 1 volume. Al-buyu' fi mujallad. Le domaine du commerce, les ventes en 1 volume. Wa qala al-Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim fi ad-durar as-sunniyya. Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim rahimahullah ta'ala, qui a compilé les messages, les épîtres, des livres des ulama de Da'wa al-Najdiyya, de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, de ses descendants, des ulama du Najd, en plusieurs volumes, qu'on appelle la Durar al-Sunniyya. Et aussi, il est connu pour avoir réuni les fatawa d'Ibn Taymiyyah. Mais je vois fatawa d'Ibn Taymiyyah en plus de 35 volumes. C'est lui qui les a réunis. Ce titre-là, avant lui, n'existait pas. C'est-à-dire, depuis Ibn Taymiyyah jusqu'à son époque, le terme Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah n'existait pas. On disait dans tel livre, dans tel épître, dans une réponse d'Ibn Taymiyyah. Mais lui, il a fait ce grand travail de réunir toutes les fatawa d'Ibn Taymiyyah et de les ranger par chapitre. Ce qui a facilité la tâche pour les étudiants et les savants. Et c'est le grand-père de Cheikh Abdul Muhsin al-Qasim qui est à Médine. Celui qui fait l'imam à Médine. Hein, c'est ce même nom parce que c'est son grand-père. Il dit dans Ad-Durar al-Sunniyya, en citant certains savants d'Arabie, Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. En parlant du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, هو العالم الجليل والمحدث الفقيه المفيد للطالبين المحفوف بعناية رب العالمين الورع الزاهد المحبوب المعمر في طاعة رب العالمين قد خيب الله بطول عمره توقع الجاهلين وظن الحاقدين ولد رحمه الله في سنة 1330 من الهجرة بمدينة الرياض وكان بصيرا وفقد بصره سنة 1350 هجرية حفظ القرآن قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على علماء الرياض. L'honorable savant, le savant dans le domaine du hadith et du fiqh, celui qui est très bénéfique pour ses élèves, celui qui est protégé par le Seigneur des mondes, celui qui a délaissé l'asset, qui a délaissé les biens de ce bas monde. Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, il était très proche des autorités, très proche des rois d'Arabie, bien aimé auprès d'eux. Ils le prenaient comme leur père. Et avec ça, il était tout le temps endetté. Il n'a jamais rien demandé. Les postes qu'il a eus, lorsque vous allez chercher en détail, ce sont des gens qui sont partis voir les autorités pour demander de lui donner le poste. Ibn Baz, lorsqu'il était à midi, un homme est parti voir l'émir. Il lui a dit, Ibn Baz, il fait tout pour que l'image de l'Arabie Saoudite soit toujours bonne. Tous les étrangers, même les personnalités qui viennent, il fait tout pour qu'il soit le mieux reçu. Il s'endette auprès des boutiques, des vendeurs de bêtes pour pouvoir égorger des bêtes, pouvoir cuisiner. Il s'endette et il ne dit rien à personne. Subhanallah. Et ce sont des gens qui le connaissent de près, qui connaissent sa situation, qui vont en parler. Mais lui, jamais il n'en parle. Subhanallah. Ça, ce sont des grands hommes. Jamais il n'a profité de sa situation et de sa place pour y chercher un bien de ce ballon. Contrairement à beaucoup. Il devrait prendre le son. Ça, ce sont les ulama de la sunna. Beaucoup de gens qui sont dans la déviation, l'égarement, parfois, ils sont conscients d'être dans l'égarement. Mais s'ils quittent l'égarement, ils perdent l'argent. Ils perdent leur place. Subhanallah. Et ils préfèrent rester pour ne pas perdre leur place. Wal'iyadu billah. Tu le prends tout seul, il te dit tu as raison, c'est la vérité. Il est avec ces gens-là, ils disent que eux veulent entendre. Wal'iyadu billah. C'est pour cela que les ulama de la sunna, parfois, nous voient d'un mauvais œil. Tout ce qui est association, tout ce qui est, pourquoi ? Les organismes, pourquoi ? Ils ont vu que beaucoup se sont perdus là-dedans. Des gens qui étaient bien, dès que les caisses elles se sont remplies d'argent, ils ont changé, ces gens-là. C'est dangereux, c'est une fitna. C'est pas donné à tout le monde de garder l'argent bien dans la main. L'argent, elle rentre dans le cœur et elle prend le dessus. C'est ça le problème. Des gens se servent de la religion pour s'enrichir. Wal'iyadu billah. Il monte sur le minbar pour s'enrichir. Il fait l'imam pour s'enrichir. Il ne se bat pas pour faire le mu'adhdhin. Il n'y a rien à gagner dans le mu'adhdhin. En termes d'argent. Alors que faire imam, je ne connais pas de hadith qui parle des mérites de faire l'imam. Mais des mérites de faire l'adhan, il y a. Il y a des hadiths qui parlent des récompenses de celui qui a fait l'adhan pendant 12 ans. Des mu'adhdhin. Il y a des hadiths. Et les gens ne se battent pas pour ça. Pourquoi ? Parce que dans ce bas monde, il n'y a pas grand-chose à gagner dedans. Et ils se battent là où il y a de l'argent, l'iyadu billah. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des gens qui étudient la religion parce qu'ils veulent un poste. Ce ne sera pas ça ta vie. Hein. Si les choses viennent sans que tu les aies cherchées, taïb. Mais que c'est ça ta vie, hein, ce n'est pas bon. C'est pour enlever l'ignorance de toi-même et aider les gens à quitter l'ignorance. Ça, c'est important. Donc, il était le bien-aimé et qu'Allah lui a donné une longue vie. Il est mort à l'âge de 90 ans. Rahimahullah ta'ala. Mais dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien parmi les ignorants et les jaloux, parmi les égarés, les déviants, ont voulu sa mort? Mais Allah lui a rallongé dans sa vie. Il est né en l'an 1330 de l'Égypte, dans la ville de Riyad. Il voyait dans son enfance, puis il a perdu la vue. Il est devenu aveugle en l'an 1350 de l'Égypte. Il a appris le Coran avant d'atteindre la puberté, puis il a émis beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de la science auprès des savants de Riyad. Wa min abrasihim. الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ Bien que c'est le même nom, c'est pas le ministre, le cher ministre d'aujourd'hui. Non, c'est un de leurs ancêtres. Wa cher Sa'd ibn Atiq, wa cher Hamad ibn Fals, wa cher Muhammad ibn Ibrahim, wa ghayrihim. On les a déjà cités tout à l'heure. Là, c'est une répétition. ولما برز في العلوم الشرعيه واللغه العربيه عين في القضاء سنه 1357 هجريه puis il a été nommé après avoir bien étudié juge en l'an 1357 de l'Égypte. ولم ينقطع عن العلم والتعليم بما شغل به من مناصب في القضاء في اي مدينه كان. Le fait qu'il a tenu des postes de juge ne l'a pas empêché de continuer sa quête de la science et d'enseigner. فهو القاضي والمفتي il est juge et mufti والداعية والمصلح réformateur et prêcheur والرئيس et il est président والإمام il est imam والمعلم enseignant والمكرم والمكرم للضيوف et celui qui sait recevoir ses hôtes généreux envers eux والحنون على الأرامل والأيتام celui qui est doux tendre envers les femmes qui sont veuves et les orphelins, ou à Mut'im al-Masakin, qui donne nourriture aux pauvres, aux nécessiteux. D'abord, il ne mangeait jamais seul, cher Ben Badrallah. Lorsqu'on lui posait à manger, il fallait poser plusieurs plats. Il fallait ramener des gens. S'il n'y avait pas des invités, il fallait aller chercher des gens dehors. Et c'est pour cela que les gens qui ont connu Makkah al-Madina de son vivant, combien vous diront qu'ils ont mangé avec cher Ben Badrallah? Hein, on laissait les gens entrer car ils ne voulaient jamais manger seuls, alayhi rahmatullah. Wal wasita fil umuri al khayra. Et il était l'intermédiaire dans les bonnes choses. Et il a toujours essayé d'aider tout le monde, sans distinction de gens. Sayyid Qutb, qui était un imam de l'égarement, qui a fait revivre les idéologies de Takfir. Mais il faut dire ce qu'on sait de lui aujourd'hui. Avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, ce n'était pas pour tout le monde connu à l'époque. Mais lorsque, en Égypte, ils ont décidé de le condamner à mort, de le pendre, en 1965, Ibn Baz, rahimahullah, il apprend cela. Il envoie un message aux autorités égyptiennes pour leur demander la grâce de ne pas le pendre. Et certains parmi les innovateurs essaient de se servir de cela pour dire, regardez, vous avez vu, non. À l'époque, l'image que beaucoup de gens ont de cette photo, c'est un prêcheur musulman, voilà, c'est sans plus, on ne sait pas grand chose là-dessus, et ce n'est pas tout le monde qui savait. Puis, il est considéré comme opprimé, on veut le condamner à mort, c'est l'idée et les informations qu'on a à ce moment-là. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il intervient, comme il est intervenu pour beaucoup d'autres personnes dans un pays d'Afrique. Il a été dit que des prêcheurs allaient être condamnés à mort. Je ne sais plus quel pays. Et on prévient Cheikh Ibn Baz tard le soir. Cheikh Ibn Baz, il sursaute et il appelle le roi d'Arabie. Il était peut-être 2h, 3h du matin. On réveille le roi, on lui dit, Ben Baz veut parler. Ben Baz, il lui dit, dans tel pays, on veut condamner à mort des prêcheurs à l'islam. Il faut que tu fasses ça. Et il insiste jusqu'au que le roi intervient. Il appelle les autorités de tel pays pour qu'ils aient, et ils ont été graciés. Ça, c'est peu de beaucoup. Peu de beaucoup. Que Ben Baz, rahimahullah, ce qu'il a fait, il n'y a qu'Allah, tabarak wa ta'ala, qu'il sait. Nasha'a ala yadayhi, adadun fihim khayr wa baraka. Beaucoup de personnes ont appris auprès de lui, ont grandi avec lui, dans lesquels il y a du bien et de la bénédiction. Et dans beaucoup d'organismes ou de rencontres, il a son poids. Et les conférences et le choix des sujets sont apparus de lui, des épîtres et des livres, beaucoup de livres. Et beaucoup d'audio, beaucoup de cassettes. À l'époque, c'était des cassettes qu'il y avait. يَعْجِزُ عَنْ إِحْصَائِهَا الْمُتَتَبِّعْ لَهَا. Celui qui essaierait de les énumérer, il en aurait du mal à le faire. لَا يَضِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَوْقَاتِهِ. Il faisait en sorte de ne perdre aucun moment de son temps. فَمَا أَحْسَنْ Comment elle était bonne et énorme sa vie. Rahmahullah ta'ala. Fahani'an lahu wa li kulli man sara ala nahjihi fi hayatihi. Quelle bonne chose pour celui qui suit sa voie et son chemin dans son vivant, de son vivant. Fasabara wa sabra, qui a fait preuve de patience et d'endurance. Wa ammara awqatahu fi ta'ati rabbihi wa mardatihi, et qui a rempli ses heures par l'obéissance de son Seigneur et de ce qui plaît et qui est agréé par Allah Azza wa Jal. Bon, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je ne pensais pas que ça me prendrait. Il reste, on va terminer dans un deuxième cours, Inch'Allah. On terminera dans un deuxième cours. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين